le CRACP, collectif de résistance au centre pour étrangers, est né en 1997, devant le chantier d'un nouveau centre fermé, à Vautem, près de Liège. Depuis 13 ans, les membres du CRACP viennent aux grilles du centre, deux fois par semaine, apporter leur soutien aux détenus. Bonjour, nous sommes ici, comme chaque samedi, pour vous apporter notre soutien, notre solidarité. Nous sommes ici pour dire encore une fois que nous réclamons la suppression des centres fermés pour étrangers, que nous réclamons l'arrêt des expulsions et une politique d'asile et d'immigration de la part de notre gouvernement qui respecte les droits humains. Liberté ! Solidarité ! Liberté ! Solidarité ! Liberté ! Solidarité ! Et ça, c'est une course, elle est séparée de celle qu'on a vue tout à l'heure. Il y a deux cours séparés. Il y a quatre cours. Quatre. Il y a quatre cours. Il y a quatre ailes qui sont complètement isolées. Hein, donc les détenus d'une aile, oui, sont complètement isolés. Et c'est comment son nom ? Comment ça s'écrit ? L A B D D et puis donc L A B D. Oui, allez-y. Disons que nous on a pris l'option de ne pas aller à l'intérieur parce qu'au vu, je dirais, à la rigueur, ce serait plus facile d'aller parler avec les détenus à l'intérieur que de parler à distance. Mais comme Oche à la fois à ce que notre solidarité, je dirais, avec les personnes détenues soit aussi et aussi une forme de protestation publique, c'est ça que nous on a pris l'option de ne pas aller à l'intérieur. Au départ, ils n'avaient pas accepté non plus. Au départ, ils n'ont pas accepté Albert, je sais bien qu'il y en a plusieurs. Oui, disons que... Maintenant, ils ont accepté de temps en temps. Disons que l'attitude du centre vis-à-vis du CRACP a évolué. Je dirais le CRACP a aussi évolué. C'est-à-dire qu'au départ, pratiquement chaque fois qu'on venait... Il fallait toujours qu'on fasse une inscription, qu'on casse un peu une petite clôture. Il fallait quand même qu'on s'exprime. Hein. Ce qui faisait qu'on avait chaque fois la police, la camionnette de police qui venait près de nous. Hein. Pendant toute une période, chaque fois qu'on parlait, ils mettaient une musique à faux. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Quelle musique ? Musique à l'intérieur. Là, hein, une pas musique de faux. Quoi, ouais. La musique classique, des choses comme non, ça ? Non, pas la musique classique, non. Ou alors ils programmaient certaines activités à l'intérieur, là, au moment où on venait. Mais disons que cette guéguerre-là est terminée. Hein. Et je dirais notre présence actuellement est toléré, y compris d'ailleurs par la police communale. Hein, donc nous ne demandons pas l'autorisation de manifester chaque semaine, mais notre présence est considérée par les plus démocrates parmi les policiers comme une façon d'exprimer une opinion. Voilà, donc, oui. Monsieur, c'est l'Abdesi, c'est ça ? L'Abdesi ? C'est ça le nom ? Est-ce que vous avez un avocat ? Oui ? C'est qui votre avocat ? Parce qu'on pourrait le contacter, vous l'avez informé de votre grève de la faim ? Je rappelle simplement que les photos sont interdites, mais d'avoir une consigne donc, de la direction. Donc il y a une personne ici qui prend des photos, donc voilà. Manifester, bon, pas de problème, mais les photos sont interdites. D'accord. C'est un simple rappel. Merci. Les photos, ils sont interdits. On n'a jamais été très loin. Hein. Oui, mais enfin, non. Par rapport aux actions qui se passent même plus ici. Une façon de nous défouler, nous, qu'autre chose. Hein. Enfin, quand même, il y a quand même eu, je dirais, des actions de vandalisme nous revendiquées par le CRACP, enfin, pour des sommes considérables, hein, d'après les rapports, en tout cas, du centre fermé. Mais c'était... Voilà. C'était les treillis défoncés sur sa pouillotte, etc. D'ailleurs, au départ, il n'avait que les roues grillages. Hein. Le grillage et la verdure ont été mis pour nous. Hein. Donc, enfin, pour... Pas pour que les gens ne puissent pas se sauver, mais pour empêcher les manifestants de Et les gens de voir aussi, peut-être. Oui. Donc, vous ne voyez pas à cause de toutes les plantes qui ont été mises autour du centre pour cacher le centre. Bonjour monsieur. Comment ? Il faut une personne à la fois. D, E, D. Au début, les policiers étaient là avec leur camionnette, là où on était. Ils mettaient les gaz pour nous. Et maintenant, on a eu un moment, un groupe d'extrême droite, il y a couru 3-4 mois. Ouais. Les policiers sont venus pour nous protéger. Ouais. Donc, c'est le mot à l'envers maintenant. Ben, je crois qu'on y gagne. Enfin non, il faut voir des choses. Hein. On ne fera jamais rien changer en étant gentil comme ça. Mais je crois qu'on attire de la sympathie, aussi bien du public que le reste. Alors moi, je crois qu'il faut les deux. Ouais. Je ne sais pas contre les gens qu'il faut le violent, mais j'essaye de ne pas être de ce côté-là. D'abord, par principe, et puis... Parce que je crois que ça rapporte d'un autre côté. Ouais. Mais je ne suis pas contre, hein, parce que... Quand on voit que ça ne change pas... Par rapport aux 127 trices, là, qui sont en train de construire, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour bloquer la construction de celui-là ? Je ne connais pas assez. Bloquer, non, c'est très difficile parce que je crois que quand même qu'il est quand même important d'avoir quand même des actions médiatiques hein, qui attirent l'attention du public sur le fait que l'on construit une nouvelle aile, qu'on aménage les centres. Maintenant, il faut pas rêver. Tant qu'on n'est pas dans un rapport de force de faire le coup de la Bastille, je dirais presque il ne faut pas le tenter. Mais il faut quand même des actions médiatiques. Or, les choses étant ce qu'elles sont, si vous voulez avoir la une des journaux, il faut faire des choses non ordinaires. On vient ici actuellement tous les samedis depuis 10 ans. La presse n'accourt pas, il n'a pas de reportage. Donc, quelque part, notre action reste quand même limitée. Donc, c'est ça qui est important, je crois, les deux types d'actions. Hein. Donc, oui, les actions médiatiques, comme on a eu le groupe là, qui s'est venu enchaîner, il a fait récit. Personnellement, par conviction personnelle, en tout cas, je ne crois pas à la violence, donc ni contre les personnes, ni contre les biens, mais je crois quand même, enfin pas je crois qu'il est nécessaire d'avoir des actions médiatiques, des gens qui escaladent, qui mettent des grandes banderoles, qui s'enchaînent. Et quand ça a lieu, hein, on est là. Hein. On est là, oui, mais plutôt les rapports avec la police, etc. Essayer de calmer la police. On est solidaire et ça, mais je veux dire que on n'est pas ce n'est pas notre spécificité. Il y a du bruit, il y a des voitures derrière nous, donc il faut parler bien fort. Ah, on peut crier avec vous ? Liberté ! Solidarité ! Liberté ! Solidarité ! Liberté, solidarité, liberté, Solidarité. Je crois que c'est tout à fait inefficace. Ça coûte très cher. Ça va ? Si ce n'est que ça donne peut-être, je dirais, bonne conscience à des gens qui seraient tentés par l'extrême droite ou qui se d'opinion vraiment de droite. Hein, ça donne, mais ça donne l'impression qu'il faut quelque chose. Mais non, il est impossible, je crois, d'arrêter le mouvement migratoire. Et si même on sait plus ou moins le freiner, je dirais que ça se retournera contre nous. Donc, je crois que c'est non. À long terme, on gagnera. On arrivera, je crois, enfin, sauf si on entrerait vraiment dans une période de régression, mais je ne crois pas quand même. Ça va ? Comme d'ailleurs la lutte contre l'esclavage, comme la libération, enfin l'indépendance des colonies, est-il des faits, je dirais, qu'on ne pouvait pas faire marche arrière, hein, malgré la volonté de beaucoup. Donc là, à l'occasion, je crois que finalement, que les générations, enfin, puisque ça risque de ne pas arriver de notre génération, mais les générations futures, j'espère, enfin, pas j'espère, c'est parce que qu'on fait vécu, jugeront beaucoup notre attitude de vraiment mesquine, à courte vue, actuelle à propos de ça. De toute façon, les gens qui crèvent de faim, ils crèvent de faim, hein, oui. On peut peut-être faire en sorte provisoirement de ne pas les voir, hein, en érigeant des grands murs, des palissades autour de l'Europe, on ne les verra pas, pendant un certain temps, jusqu'au jour où ils renverseront les palissades. Donc, ayons quand même un peu, je dirais, un peu de clairvoyance, hein, et essayons de résoudre ces problèmes. De toute façon, non, je ne crois pas que si on laisse vraiment la libre circulation, je ne crois pas l'envahissement, non. On a quand même la petite expérience, par exemple, des pays européens. Il n'y a pas bien longtemps, les Polonais, par exemple, étaient enfermés ici en masse, dans les centres fermés, oui. Hein. Et puis un jour, l'évolution politique de l'Europe, voilà, maintenant les Polonais peuvent venir, oui. Et il n'y a pas plus de Polonais en Belgique, je dirais même il y en a moins. En ce sens que ils viennent et puis ils repartent, tandis qu'avant, ils ne repartaient pas de crainte de ne pas pouvoir revenir. Donc finalement, non, je... Voilà. Merci. Hein. Super. Pour la libre circulation, l'égalité des droits pour tous, contre la militarisation des frontières, l'Europe forteresse, venez au camp No Border à Bruxelles, du 25 septembre au 3 octobre 2010. Toutes les informations sur noborderbxl.eu.org.